L'honneur est satisfait, par Jules Moineau. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne, a dit le poète. Mon Dieu, c'est bien possible. Toute l'affaire est dans la nature de la chose donnée. Ainsi, une gifle, par exemple. Je ne vois pas bien la préférence que pourrait avoir, pour celui qui l'a reçue, telle ou telle façon dont elle lui aurait été administrée. Pour M. Bouginier, le héros de cette histoire, elle l'a été par-dessus une table de café, en présence de nombreux consommateurs, ses amis et connaissances. Il avait bondi sous cet outrage public, était allé rapidement s'asseoir à une autre table, et avait crié d'une voix retentissante, en roulant des yeux terribles, « Garçon, un boc !» Et son boc avalé, il s'était retiré, la tête haute et menaçante, ce qui fit penser aux consommateurs témoins de cette sortie tragique que le soufflet aurait des suites. Il en eut, en effet, car un quart d'heure après, M. Bouginier avait la joue enflée. Heureusement, sa femme était chez des parents de province. Seul, dans la chambre conjugale, il appliquait sur l'enflure une compresse et se mettait au lit, convaincu que le lendemain, sa belle-mère, depuis longtemps couchée, ne s'apercevrait de rien. Belle-mère de rare espèce, disons-le tout de suite, qui adorait son gendre et lui donnait volontiers raison contre sa propre fille. Que peut bien être la nuit d'un bourgeois d'humeur pacifique qui a été giflé devant des amis de café, qui sent l'obligation de se battre mais n'en sent pas l'envie. Évidemment, une nuit sans sommeil, une tempête sous un crâne. Comment concilier le point d'honneur avec la peur du danger? Une blessure à l'amour-propre avec la crainte d'une blessure par une arme meurtrière? Ou bien, si le sommeil vient, il donne des rêves fantastiques. Bouginier vit en songe de larges mains ouvertes, voltigeant comme des chauves-souris et lui frôlant le visage. Des arbres, dont les branches portaient des fruits ayant la forme de pistolets, des écosseuses de la halle, retirant des cosses, des balles au lieu de poids, et il trouvait des épées dans tout ce qu'il mangeait. La couardise est féconde en sophisme et donne de l'imagination aux poltrons qui en sont le plus dépourvus. Polisson, bretteur, murmurait Bouginier en songeant à son adversaire, car c'est un bretteur, cherchant des querelles à tout le monde. Il est connu pour tel. Tous les gens sensés vous diront qu'on ne se bat pas avec un bretteur. Il a cru que j'aurais peur d'un duel. Ah, qu'il ne me connaît guère, un duel. Mais j'ai été témoin dans un duel, et on m'a félicité de ma conduite. J'ai vu le sang couler, et je suis resté calme. Notre brave eut volontiers chanté sur un ton héroïque, comme ce personnage du vaudeville, le poltron. Devoir, honneur, qui dirigeait mon bras, soutenez-moi, je ne me battrai pas. Le duel, se disait-il, qu'est-ce que ça prouve, le duel? C'est une coutume des temps barbares que nous avons conservée. Est-ce que les Anglais se battent en duel? Ce grand peuple anglais, ce modèle de civilisation, et les autres peuples, pas davantage? Ah, les étudiants allemands, oui, mais les Allemands sont encore des barbares. Richelieu, le grand cardinal, punissait de mort les gens qui s'étaient battus en duel, excepté ceux qui s'y étaient fait tuer. Voilà ce qu'il pensait du duel, cet immense génie. Et les femmes se pâmaient devant M. Mélingue en d'Artagnan, brandissant sa rapière à côté de ses trois camarades, ayant aussi mis flamberge au vent. Ah, parlons-en de ces jolis mousquetaires, si séduisants sous la plume d'Alexandre Dumas. Qu'est-ce que c'était en réalité que ces mousquetaires? Des bretteurs, des escrocs, des voleurs, des bandits détroussant les passants sur les grands chemins, et qui se faisaient entretenir par des dames, des spadassins tirant leur agaçante rapière à propos de rien, se battant sans témoin pour pouvoir assassiner leurs adversaires. Moi, je ne me bats pas sans témoin. J'en aurai des témoins. Dès demain matin, je courrai chez Franck Astor. Un bon ami à moi. Il arrangera l'affaire. Ah, on verra si j'ai peur. Ma belle-mère me laissera-t-elle me battre? Brave femme, elle m'adore. Je ne lui dirai rien. Elle m'enfermerait pour m'empêcher de sortir. Je la connais. Mais elle a un nez. Elle devinera ce que je voudrais lui cacher. Excellente femme. Le jour était venu. Bouginier se regarda dans sa glace. L'enflure de sa joue avait disparu. Il s'habilla promptement et sortit avant le lever de Madame Tourtereau, sa belle-mère, afin de pincer Franck Castor au seau du lit. « Qu'est-ce qui t'amène si matin ?» lui demanda son ami. Puis, remarquant son agitation et le bouleversement de ses traits, « Est-ce qu'il t'arrive un malheur ? » ajouta-t-il. « Mon ami, répondit Bouginier, je viens te demander de me servir de témoin. » « Tu as un procès ?»« Non, j'ai un duel. »« Toi ?» fit l'ami au comble de la surprise. « Toi, l'homme le plus doux, le plus inoffensif. »« Je n'ai offensé personne, c'est moi qui étais offensé, j'ai reçu une gifle. J'arrangerai cela, sois tranquille. Arranger, comment? Je t'obtiendrai des excuses. Des excuses de Durotin? Ce bretteur, ce spadassin? Ah, diable, Frifrand Castor, c'est Durotin qui... Tu n'as pas d'espoir, alors? Je ne dis pas cela. Je suis très bien avec Durotin. Il m'emprunte souvent de l'argent, j'essaierai. Si je ne réussis pas, dame, que veux-tu? Tu seras obligé de te battre. Ah oui, je... dit piteusement le pauvre homme. Voyons, voyons, Bouginier, du cœur, calme-toi. Tu l'as offensé, tu as le choix des armes. Ah, j'ai le choix des... J'ai ici des pistolets. Ah, c'est au pistolet que... J'en ai une paire qui ont servi dans plusieurs affaires avec lesquelles il n'y a rien à craindre. Il rate toujours? Demanda Bouginier avec espoir. Non, ils partent très bien. Alors je ne vois pas. Attends. Franck Astor ouvrit un meuble, en tira deux pistolets et les montra à son ami, que la vue de ses instruments de destruction faisait reculer avec effroi. Allons, allons, Bouginier du cœur, que diable! Tu ne peux pas garder ta gifle. Non, non, certainement, je ne... Eh bien alors? Ici, Franck Astor renouvela la scène du ver rongeur. Du cœur, Bouginier du cœur, sacrebleu, tiens, voici des pistolets de Liège. En bouchon? Non, en Belgique. Voici des balles, également de Liège. En Belgique? Non, en bouchon. Du courage, Bouginier. Franck Astor, s'écria héroïquement notre champion, tu me verras sur le terrain. Sois sévère pour moi. Pas de sentiment. L'honneur avant tout. Si tu me vois broncher, retire-moi ton amitié qui m'est si précieuse. Bravo, Bouginier. Tiens, continua le brave, ma femme est absente de Paris. Ma belle-mère aujourd'hui me paye à dîner au restaurant et le spectacle après l'opéra comique. Que n'es-tu des nôtres? Tu verrais si je perds un coup de dent à table et un éclat de rire au théâtre. Franck Astor n'écoutait plus son ami, il réfléchissait. À quoi penses-tu? Demanda celui-ci. Je me dis, si par hasard, l'autre témoin, car il te faut un second témoin, n'était pas de mon avis pour les balles. Ah, si, balbutia le dueliste, malgré lui, avec une inquiétude marquée. Franck Astor réfléchissait. Voyons donc, dit-il, qui je pourrais bien... Tu n'as pas dans tes connaissances un ami sur qui l'on pourrait compter. Moi? Non, je n'ai que ma belle-mère, mais... C'est impossible. Attends. Tu en as un? Oui, du Tibia, mon ami du Tibia. C'est ça. Oh, celui-là, j'en réponds. Ah, tant mieux, fit Bouginier avec satisfaction. Va le voir. Quand me rendras-tu réponse? Tantôt. Je ne sortirai pas, je t'attendrai. Ou ce soir, ajouta Franck Astor. Ah! Ce soir, je serai à l'opéra comique. Mais dans les entractes, tu me trouveras au café du théâtre. Au café du théâtre, murmura Franck Astor, de nouveau rêveur. À quoi penses-tu encore? Répéta Bouginier. Est-ce que tu n'es pas sûr de ton ami? Si! Oh lui! Mais les témoins de ton adversaire ne voudront peut-être pas se prêter. Voyons, voyons. Ne te bouleverse pas pour cela. Je ferai tout mon possible pour... Tu pourrais leur payer à déjeuner? À table, ça serait plus facile. Allons, je te renvoie. Je n'ai pas de temps à perdre. À tantôt. Chez toi, ou à ce soir au café du théâtre. Et Franck Astor poussa dehors son client tout déconfit. Sur la place du Châtelet. Il est 10 heures, la soirée est belle. L'astronome en plein vent attend la clientèle désireuse de contempler le spectacle du firmament. Des marchands de coco font teinter leurs sonnettes. Des marchands de gâteaux et de sucre d'orge offrent leurs marchandises aux passants. La foule sort du théâtre de l'opéra comique. C'est l'entracte. Aussitôt s'élève un concert discordant de voix, les unes aiguës, d'autres graves, d'autres enrouées. Vendre votre contremarque, bourgeois? Qui veut voir la lune? La vraie tisane de Calabre, à la glace. Sucre d'orge, pastis de menthe, berlingot. À la porte du théâtre, des agents sont en observation. Des vols leur ont été dénoncés au précédent entracte. La présence de pickpockets à Paris a été signalée à la police et les agents, convaincus qu'il y en a dans la foule, cherchent à surprendre des mains se glissant dans les poches. Bouginier et Madame Tourtereau, sa belle-mère, sortent du théâtre. « Mon gendre, vous me cachez un mystère, » dit la dame. « Moi, belle maman, vous. » Déjà au premier entracte, vous êtes sorti me laissant seul dans notre loge où j'étouffais. Il fait une chaleur dans cette salle. C'est pour cela, belle maman, que j'avais besoin d'aller prendre un rafraîchissement au café. Je vous ai envoyé une glace panachée, vanille et framboise. Oui, mais à ce nouvel entracte, vous vouliez encore me laisser dans une loge pour aller au café. J'ai si soif. Il fallait vous désaltérer au foyer. Moi, j'ai besoin d'air, de fraîcheur, de mouvement. J'ai les jambes engourdies. Promenons-nous. Et Madame Tourtereau prit le bras de son gendre. Franck Astor qui m'attend au café. J'ai mis à part lui, bouginier. Madame Tourtereau emmena son gendre dans une partie déserte de la place. Lui dit-elle. À moi, belle maman. Oui, et très sérieusement. Je vous le répète, vous me cachez un mystère. Un mystère, moi, je vous assure. Vous me cachez un mystère, vous dis-je. J'ai bien surpris pendant le spectacle votre agitation, votre pantomime. Mais l'émotion, c'est la pièce qui me produisait cet effet-là. La pièce. Vous n'en avez pas entendu un mot. Oh, belle maman, pouvez-vous dire, racontez-la-moi. Ah, que je... Racontez-moi la dame blanche. La dame blanche, oui, j'entends bien. Racontez-la-moi. Eh bien, c'est une dame qui... Y a-t-il une dame dans la pièce, oui ou non? Oui, il y a la dame blanche. Ah, vous voyez bien que je la sais, la pièce. Qu'est-ce qu'elle fait, cette dame? Ce qu'elle fait? Eh bien, elle a eu un enfant qu'on va baptiser chez les montagnards écossais. Un officier va être le parrain. Qu'est-ce qu'il chante là? Demanda la belle-mère ahurie. Ce qu'il chante, dame, il chante. Ah, quel plaisir d'être soldat. C'est à l'autre femme qu'il chante ça. Je sais bien, celle que la reconnaissance a rendue somnambule sensée. C'est la dame blanche, celle-là. Oui, qui se promène dans les greniers du château. Pourquoi faire? C'est un mystère. Quel mystère? On ne sait pas. Si on le savait, ça ne serait pas un mystère. Seulement l'officier, qui a 1200 francs d'appointement, achète le château à une vieille dame qui fait tourner un fuseau en chantant à l'officier qui a une belle main. Cette main si jolie. Alors la main se lève et m'envoie une gifle. Oh, mais une gifle! Vous avez reçu une gifle! S'écrie Madame Tourtereau. Voilà ce que vous me cachiez. Je savais bien que vous aviez l'esprit ailleurs qu'à la pièce. Franck Astor doit arranger l'affaire. Mon ami Franck Astor. Quelle affaire? Une affaire! Demanda Bouginier d'un air étonné. Vous venez de dire qu'il arrangerait l'affaire. Je vous demande quelle affaire? Eh bien, le duel. Quel duel? Quel duel? Le mien. « Vous vous battez en duel ?» s'écria la tendre belle-mère, folle, éperdue. « Vous, que j'aime autant que ma propre fille ? Oh non, non, ce duel n'aura pas lieu. Je l'empêcherai par tous les moyens possibles. Mais tu es mon gendre, mon enfant chéri. Ah ben, on ne me connaît pas. Mais puisque Franck Astor doit t'arranger, je ne me fie qu'à moi pour cela. » Bouginier, plus confiant en elle qu'en Franck Astor, jugea habile de la surexciter en lui résistant. « Non, non, belle maman, et mon honneur, vous l'oubliez, mon honneur. Rappelez-vous, cette île escarpée et sans bord. »« Quelle île ? » demanda-t-elle. Bouginier, surpris d'abord d'une telle ignorance, se rappela que du temps de la brave dame, les lycées de jeunes filles n'étaient pas encore institués, et compris son manque d'érudition. À ce moment, une foule s'était formée autour du télescope pour entendre l'explication donnée par l'astronome à un client des planètes, de leur distance de la Terre, de leurs habitants, etc. Au nombre des curieux, Bouginier aperçut Franck Astor qui, ne l'ayant pas trouvé au café, assistait à la leçon d'astronomie en attendant l'entracte suivant. « Le voilà, belle maman, » dit Bouginier tout troublé. « Qui ? Mon ami Franck Astor, je vais lui parler. Je vais avec vous. Impossible, belle maman. Mon ami croirait que je vous ai mis en avant. Ça se saurait et je serais couvert de ridicule. Les femmes ne doivent jamais se mêler de ces sortes d'affaires. » « Soit. Allez. » Mais je reste là, et je ne vous perds pas de vue. » Et pendant que son gendre chéri s'éloignait d'elle, elle se demandait comment elle pourrait bien le mettre dans l'impossibilité d'aller au rendez-vous d'honneur. Bouginier s'approcha de Franck Astor et lui dit vivement, « Eh bien, ah, c'est toi. Eh bien, j'ai obtenu une lettre de Durotin. » Bouginier eut une exclamation de joie mêlée d'un noble orgueil. « Une lettre d'excuse, bravo, car c'est une lettre d'excuse. » « Dame, tu verras, je vais te la donner. » Et Franck Astor tira la lettre de sa poche. « Pas ostensiblement, » dit vivement Bouginier. « Ma belle-mère est là, elle m'observe. »« Bon, je comprends, » répondit Franck Astor. « Ayons l'air de causer tranquillement. Je vais mettre la lettre dans la poche de mon paletot où tu la prendras avec précaution. » Bien. Et alors cette lettre est bonne, de vraies excuses. Mon Dieu, elle est, à la rigueur, tu pourrais... Enfin, tu la liras. Pendant ce court dialogue, le porteur de la lettre avait tiré son mouchoir, se l'était porté au nez, comme s'il se mouchait, puis en avait enveloppé la lettre et avait remis le tout dans sa poche. « Tu as vu ? » demanda-t-il. « Tout, j'ai compris. Bon, alors vas-y, et adroitement, sois tranquille. » Et Bouginier, tout en feignant de causer avec son compère, tâtait le vêtement de celui-ci pour en trouver la poche. Madame Tourtereau suivait de l'œil tous ses mouvements. Le voyant introduire sa main dans la poche qu'il avait enfin trouvée, elle resta stupéfaite. « Son gendre, pickpocket !» Puis elle pensa qu'il croyait se fouiller et prenait pour sa poche celle de son voisin. « Oh, quelle idée !» se dit-elle tout à coup. Avisant alors les agents en observation, elle leur fit signe de s'approcher et elle leur montra Bouginier. Les policiers, aussitôt, de se jeter sur le faux pickpocket. « Ah, nous en tenons un, enfin !» criait-il. Et la foule de se retourner au bruit des protestations de Bouginier qui se disait victime d'une erreur, et de pousser des clameurs « C'est un voleur ! En prison ! En prison !» Et Bouginier fut entraîné par les agents et escorté par la foule indignée à laquelle s'était mêlé l'astronome. Madame Tourtereau, elle, enchantée de son subterfuge, se disait en s'en allant « Son innocence sera reconnue, d'ailleurs j'irai la réclamer dans quelque temps. » Francastor était resté stupéfait. « Je ne puis pas le laisser arrêter comme voleur. Allons vite au poste !» Et il partit en courant. Un garçon pâtissier, sa main sur la tête, allait, lui aussi, suivant la foule. Mais voyant le télescope abandonné, il préféra voir la lune à l'œil, c'est bien le cas de le dire, car il mit aussitôt son œil à l'objectif. À ce moment, Bouginier, pâle et haletant, arrivait avec précipitation. « Je leur ai échappé. Ils sont à ma poursuite. Et la foule aussi. Ils crient tous, « Au voleur, arrêtez-le. Que faire ? Où me cacher ? Les voilà !» Et apercevant le télescope, « Oh ! » dit-il. Jetant alors son chapeau et relevant le collet de son paletot, il se plaça près du garçon pâtissier et lui fit un boniment astronomique. « Cette petite étoile que vous apercevez à gauche de celle qui est dans l'endroit où il y en a tant, c'est l'étoile... » Les agents et les curieux revenaient en criant « Arrêtez !» Il continua « La lune a été découverte par Christophe Colomb. »« Qu'est-ce qui a pris ma place ?» dit l'astronome en allant à Bouginier qui devint vert comme une sommation sans frais. « Repincé !» dit le malheureux. « Cette fois, il ne nous échappera pas !» dirent les agents en le saisissant. Francastor attendait son ami au poste, ignorant sa fuite et sa reprise par les policiers. Ses explications eurent un plein succès. Il raconta l'histoire de la gifle, de la lettre obtenue du gifleur, elle fut trouvée dans la poche du prisonnier, et sa lecture réjouit fort les anciens militaires devenus gardiens de la paix. Elle était adressée à Francastor et conçue en ces termes. « C'est bien pour vous être agréable, cher ami, que je consens à écrire cette lettre. Je suis très embêté, oh mais très embêté, de cette stupide affaire avec votre ami Bouginier. Je l'ai caloté, c'est vrai, mais que voulez-vous, ce sont de ces choses qui arrivent tous les jours. Je ne lui en veux pas, d'ailleurs. Restons-en là, je veux bien. Ah, que je suis embêté de ça. Ah oui, c'est bien pour vous que j'écris cette lettre. » Les agents se tordaient. « Merci, cher ami, » dit Bouginier à Francastor en lui serrant la main avec effusion. « Ce monsieur ne veut pas se battre. Il demande que l'affaire en reste là. Soit, l'honneur est satisfait, ça me suffit. » Ainsi s'achève « L'honneur est satisfait » par Jules Moineau.